rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Jules. Passez une bonne soirée, c'est parti pour un nouveau Planète Rap avec Jules qui est là. Bienvenue, comment ça va? Ça va et toi? En pleine forme? Ça va, super. Alors cette petite vie parisienne? Ça va, tranquillement. Bien, tu fais quoi tes journées en ce moment, Jules? Ben, en ce moment, c'est je dors, j'essaie de dormir. Ouais, ça a été dur là. Hein. Voilà. Ça a été dur. Voilà, ça a été un peu dur, ouais. Ça a été épuisant. Donc en fait, tu viens te ressourcer à Paris. Je t'en remercie. Tu as senti le bon air ici, la bonne qualité de vie parisienne. Non, bien, bien, j'aime bien Paris. Bon, on va saluer toute l'équipe qui est là aussi. Liga One, c'est le label avec des artistes issus du label. Alors, il y a encore Kamikaze, il est là avec nous. Il est là. Liga One. Après, il y a Fabio, Mortadon, Mexico, Biggie, Bob, Chico, Patch, Charlie, Tota, DJ Case. Ah ouais. Et une petite dédicace à Simo. Ah là, bah écoute, je vois, en 2 jours de vie parisienne, il y en a qui arrivent avec des doudounes siglées PSG. Ça fait plaisir, merci les gars, vous avez compris. On a de la famille même à Paris. On pourra... ça, frère. Le coup de pression, enlève ça. Bon, les images sont à mater sur skyrock.fm. Allez-y, allez cliquer, allez mater. Vos messages aussi, ça arrive direct dans le studio avec le hashtag Jules sur Skyrock. Hier soir, petit résumé du live, de ton live, de ce que t'as donné hier soir à l'antenne. Ouais. Ça donnait ça, écoutez, pour les fans. C'est un son anti-traître, anti-balance, anti-salope, anti-BDH, anti-cave, anti-flic qui mérite des calottes, calez-vous un doigt. Y'en a marche sur les nerfs, tout va pour le mieux, se rappelle pour faire pleurer nos mères, viens voir où on erre. On nous a rien offert, ils parlent d'un doigt, prétendent des conseils comme si c'était nos pères, tu écoutes. Non, jamais trahir pour un gramme, tu écoutes. Non, jamais trahir pour une dame, tu as un calibre mais sans balle. Sert à rien de le montrer, de ta vie on s'emballe. Sert à rien de te montrer, tu l'as ramené, tu l'as nourri, habillé. Il était en tête, tu l'as giflé. Au poste, il s'est fié, y'a des traits de toute façon. Check qui font les gars sombres. Le jour où j'embrouille, y'a plus de grands garçons. Ne fais plus de coups que tu te fais péter. Péter, même routine hiver comme été. Été, que je pense, je fais comme répéter. Rien à regretter, malgré mon buzz, j'oublierai jamais qui j'ai aidé. Qui je suis, mon anif qui me l'a fêté. CD, 3 avant comme un CD. Dur pour faire sortir un CD. Avec peu, on peut faire beaucoup. Crois en ce que t'es, pas le temps du c'est. T'as mal, c'est resteront point, ouais, je fais la mal. Je vois mon avenir crypté comme canal. Le meurtre à la calage, c'est banal. Et yo carnal, chef de m'en aller. J'aimerais bien t'aider, mais je sais pas où t'as mal. Pourquoi tu parles mal? Pourquoi tu t'emballes? Tu pleures pour une fille, mais hier tu disais que tu t'emballes. Tu connais la routine, tu enchaînes gratte un goal. Voilà, c'était hier soir. Et puis un petit boost ce soir aussi avec Jules. Gros live hier soir. Voilà. Avec, alors, moi, on m'a demandé plein de messages. Plein de messages en disant c'est quoi le anti-BDH? Alors, anti-BDH, ça veut dire anti-bander d'homme. D'accord. Voilà. C'est-à-dire? Ben, les gens qui bandent sur les hommes, tout simplement. Ils sont là quand pour intérêt par les. Ah oui, pour intérêt, d'accord. Pour intérêt, des filles avec des hommes. T'as compris autre chose? Bah, je me disais, les gars qui bandent sur des hommes, c'est des choses qui peuvent arriver très bien, mais. Ah, il y en a beaucoup. Eh bah, ouais, écoute, mais non, toi, c'est une autre signification. C'est plus par intérêt, voilà. C'est pour l'intérêt, tout ça. Les gens qui trahissent pour des gens. C'est une expression que tu as développée, que tu as entendue, qui vient de toi. C'est une expression du quartier, en fait. Expression du quartier. Voilà. Bon, on va rappeler que toi, tu es quartier Latimone, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Saint-Jean-la-Puenta. Saint-Jean-la-Puenta, du côté de Marseille. J'ai l'impression que tu n'es pas tout seul quand j'entends les ouais dans le studio. Eh ouais. Et on va débuter comme chaque soir le Planète Rap avec Jules, avec le hashtag Jules sur Skyrock. Vous balancez vos messages dans ma paranoïa. Dans ma paranoïa. Allez, c'est aussi le nom de l'album et c'est Jules maintenant sur Skyrock. Je suis dans ma paranoïa. Je suis dans ma paranoïa. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Je suis dans ma paranoïa. Je suis dans ma paranoïa. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Laissez-moi sur ma route. J'en ai plus rien à foutre. Ami, ennemi. Y'a un mot et un calomnie. J'aime pas de Colombie. J'suis pas Snoop Dogg. Check ça vend de la douce drogue. Doucement, goose fuck. Ici tous fraud. Dites-moi si j'ai changé. Dites-moi si je suis plus le même. Dis pas que tu veux me tester. Non mais attends là, what's your name? J'connais pas les femmes mais j'sais ce qu'elles veulent. C'est quand t'as rien que tu sais ce qu'elles veulent. Tu gambères quand tu finis seul. Tu repars chez ta mère avec même pas 100 balles. Tu fais le dingueur, tu coupes mal un kill. Tu fais le volant. laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Je suis dans ma paranoïa, paranoïaque. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Tu quittes la cité, pourquoi tu es pisté? Ou c'est tout simplement que ta femme t'a mis au piquet? Ça y est, je suis vidé, là je t'écoute même plus. Je mets pas d'avis dans moi, je mets pas de pointure. Parking coûte ceinture, c'est dur de vendre glisser quand le sol est en peinture. J'suis très bien quitté, dis-moi qui je suis. Dis-moi si je fais des fautes, des fois j'sais même plus qui suivre. J'suis dans ma paranoïa, paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. J'suis dans ma paranoïa, paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Rien à foutre, j'tente ma chance, j'veux rentrer dans la légende. J'suis dans ma paranoïa, d'après ce que me disent les gens. J'calcule rien, j'fais ma vie, je sais que rien n'est acquis, mais j'donne tout pour ma vie. Rien à foutre, j'tente ma chance, j'veux rentrer dans la légende. J'suis dans ma paranoïa, d'après ce que me disent les gens. J'calcule rien, j'fais ma vie, je sais que rien n'est acquis. Une petite dédicace à Caché Alain, Couille, Momo, Père, et un bon anniversaire à Jessim. C'est la crise au Mike, mec. Une petite dédicace à Gilles Lalune, Barbas, Asdin, Amada, Wassim. C'est la crise au Mike, mec. Vous êtes beaux tous avec vos t-shirts là. Bon, je suis pas BDH, hein, je vous rassure, mais. Je vois Liga One, je vois des t-shirts Liga One partout. Liga One, Liga One, Liga One, manager, manager, manager. C'est la crise au Mike. C'est la crise au Mike ce soir. Et le garçon s'appelle Jules avec Dans ma paranoïa, c'est ce qu'on écoute à l'instant. Il est né comment ce morceau? Tu te souviens toi la première fois où tu l'as composé, écrit? Ouais, ben. Il est né au feeling ce morceau. La vérité, j'étais au studio, petit instru, tac. Je commence à écrire. C'est toi qui as fait la prod dessus? Ouais, c'est moi qui a fait la prod. Sur l'album, en pareil, sur l'album avec qui t'as bossé, il y a d'autres gens, il y a des featurings, on peut en parler, on peut dire un ou deux mots sur les... Alors, pour les featurings, j'ai fait que avec la Liga One, mmh. avec ma team. Donc Kamikaze. Kamikaze, Soso Manes et Khalif. Ouais. Et voilà, les instrus, il y a 3-4 instrus que c'est pas moi qui les ai faites. Le reste, j'ai tout fait. Et voilà, hein. Donc c'est quoi? Toi t'as besoin de bosser, d'avoir les instrus d'abord avant d'écrire, ou t'écris parfois des petits bouts de phrases, des... J'écris sur tout, j'essaie à chaque fois, même j'essaie de d'adapter mes textes aux instrus aussi, des fois ça marche, souvent, je fais souvent ça. Genre ça veut dire que j'écris avant, après je fais une instru, j'essaie de placer, je mets le tempo que je veux, tout ça, t'as pas touché. Et voilà. Bon, il y a l'utilisation de l'autotune aussi. L'autotune, ouais, je mets. Ça, c'est un moyen justement qui est important, parce que c'est vrai que ça a explosé ces derniers temps. Ici en France, c'est pas nouveau, hein, ça existe déjà depuis de nombreuses années. Ouais. Ça a explosé. Toi, tu le manipules particulièrement aussi sur l'album. Ouais. C'est quoi? C'est dur d'ailleurs à doser. Il y a des moments où. Non, la vérité, avec l'autotune, je me régale, sérieux. C'est juste que quand je chante, des fois. L'autotune, comme c'est un correcteur, des fois t'as pas la même. Quand tu chantes, je peux réussir à faire les bonnes voix, mais pour moi t'as pas le. Comment dire, le bon timbre de voix. Je sais pas comment. Ça sort pas pareil avec autotune. Et en plus quand tu chantes avec autotune, t'es dans un autre monde, tu vois. Donc ça fait. C'est un kiff. Ça c'est un truc que t'as découvert un peu tard, l'autotune, ou dès le début t'as commencé à jouer avec toi quand t'as commencé à balancer des sons sur internet? Ça fait bien de 3 ans que je me sers d'autotune. Ouais. Donc pareil, à la maison, tu bricoles? À la maison, je bricolais. Ouais. Parce que maintenant, je suis à fond vert. Maintenant, je suis c'est le studio Liga One. Studio, voilà, Liga One, tout ça. Mais avant, pareil, je bricole toujours. Dans tous mes sons, je les bricole. Ouais. Voilà. C'est peut-être aussi ce qui fait aussi voilà, le succès. Et c'est ce qu'on disait un petit peu hier aussi, c'est que t'as attendu personne, t'as bossé dans ton coin. Quand il a fallu louer un camping-car pour faire le tour déjà dans le sud, bah, tu l'as loué, t'as fait le tour. Voilà, c'est l'équipe. Et voilà quoi. Bon, on va écouter des morceaux ce soir. Lesquels? Alors, il y aura du live aussi, je dis ça, hein, pour ceux qui veulent entendre Jules en live. Voilà. Ça sera tout à l'heure en fin d'émission. On va faire un peu du live énervé. Là. On va un peu s'énerver ce soir. Très bien, tout seul ou... On en voit tout seul. Parce que je me suis fait tout seul. Ah non, je pensais tout seul. Tu vas faire du live tout seul ou tu vas faire du live accompagné ce soir? Là, ce soir, je fais tout seul. Demain, je serai accompagné. Après demain, je serai encore accompagné. Et vendredi, tu nous as dit gros freestyle. Et vendredi, gros freestyle. Mais je serai encore accompagné aussi. Bon, bah très bien. Bah, alors, on écoute le tout seul maintenant, puisqu'on en a parlé. Allez. Allez, c'est parti. C'est extrait du projet de Joe, c'est dans les bacs. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. J'étais à la poubelle, j'suis de Marseille, ma vie n'est pas plus belle. J'suis du quartier, j'te prie de t'écarter. Avenir flou, j'me suis fait tout seul. Comme ceux qui partaient, voler ou carter, voler, écarter. Vos ailes à la police, vos torpés, des roupes, ton pouliche. C'est la crise au mic, mec. Nique les giros de la police, nique les giros de la police. J'ai les mêmes cheveux que Broly. J'me suis fait seul, j'suis dans ma folie. J'suis fier, j'm'entends dans tous les bolides. Tu le sais, solide. T'as dit que tout est fini. Pas d'hiro, pas de machet, pas de cachet. Pour les frères forts au cachot. Taché par les murs qu'une envie là juste lâche placée. Vas-y passe-moi le mic. Que j'ai 9 sur bonne. Gros fais pas le James Bond. Ton job c'est de gratter des blondes. Pas la star en boîte de nuit. J'fais pas ton lit. J'ai pas pris la procès. Des mulots gratomis. Tu veux le sport. Mais t'es foutu braque pas. Tu fais le mec, mais c'est faux, tu brasses pas. C'est ton rap, ne les casse pas. Tes protons, ne les casse pas. J'prends Chili, j'y prends son hymne, j'y dis même pas quel âge là. Ne fais pas trop ton fils. Regarde comment fini, belle. Laisse pas traîner ton fils. Ça peut devenir un criminel. Aïe aïe aïe. En direct de Skyrock. Oh, aujourd'hui on n'est pas hier. Hein. On est détendu ce soir, petit flash, votre carré de bulle. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. Ouais, ouais, c'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. Je vous laisse faire, les gars. Le morceau s'appelle Tout Seul, on l'écoutait à l'instant, il est extrait de l'album de Jules. Ouais. Avec toute l'équipe qui est là, avec Tota qui est arrivé. Ouais, ouais. Distifleur. Tu veux pas distifleur. Brahim Torres. Voilà, maintenant vous pouvez aller vous coucher. Bah, on reste encore un petit peu, c'est pas mal aussi. Si vous voulez profiter du live de Jules, ce sera dans une vingtaine de minutes, à pas louper ce live avec une partie de Liga One, justement le label, on le disait, bah justement aussi Tota, un petit mot quand même sur Jules, puisque toi tu fais partie de ce label Liga One. Jules, c'est un phénomène. Je me suis pas trompé sur ce coup là. Bah, raconte nous un petit peu comment c'est comme tu... mon côté match, Tota. T'as décidé de le récupérer pour jamais. Liga One. Oh putain, voilà, en fait on s'est connu sur Facebook. Il était fan de moi. Il m'a dit voilà, j'aurais un projet, est-ce que tu veux faire une intro? C'est bon. Non, en fait, tu voulais faire un morceau avec Khalif. On s'est donné rendez-vous au studio, voilà, on a écouté ce qu'il faisait, c'était bien. Voilà, comme il n'avait pas de structure, nous on est en train de faire la nôtre. Mais tu sentais que ça montait pour lui aussi? J'ai vu déjà qu'il était bon. Et voilà, on lui a proposé s'il voulait rentrer dans le projet, il a dit ouais. Après ça, c'est parti de là. Voilà, la belle aventure. Donc pas déçu. Non. Hein, Jules, hein. C'est le plus beau, hein. C'est ton temps, hein. Voilà, du coup. Bon bah c'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Jules. Tout à l'heure il y aura du live avec DJ Case qu'on salue. Ouais, DJ Case. DJ Case, une des recrues de Skyrock. Skyrock cette année qui cartonne avec Rai Suprême. Tous les dimanches soirs à partir de minuit à pas louper. C'est lui qui mixe Rai Suprême. Et c'est que c'est lui, mais il m'a beaucoup parlé de toi, Case. Mais ouais, ça fait plaisir, c'est la famille. C'est la paternelle, le avec les poules. Case, prends le micro deux secondes là, qu'on entend ta douce voix. Ouais, on l'entend une fois par semaine. Voilà, dans Rai Suprême, je disais. Mais Jules, c'est vrai que tu m'en as beaucoup parlé. C'est ça. Dès que t'es arrivé sur Skyrock d'ailleurs, quand on a fait les premières émissions, c'était même vu avec le manager et on a direct évoqué le phénomène. Le cas Jules. Ouais. Le 4 et voilà, les prédictions étaient exactes parce qu'aujourd'hui il cartonne et on est vraiment content. Bah toi aussi t'es sur le terrain toutes les semaines puisque t'es en soirée tout le temps. Même en soirée, lorsqu'on joue ces sons, c'est la guerre atomique. Quoi. C'est vrai, il y a un truc qui se passe. T'as senti ça tout de suite toi ou pas? Ouais, direct. Il y a un truc de magique qui est inexplicable des fois. Donc top, et on continue en espérant qu'avec des nouveaux sons qui vont arriver. Hein. En concert, j'aime tellement mon public que je saute dans la foule. Bah préparez-vous, le prochain concert c'est vendredi hein, du côté de Paris, c'est ça Joel pour toi. Voilà, White Dream, on va mettre le feu, je vais mettre le feu, je vais faire trembler les murs. Il y a d'autres dates à annoncer aussi, si t'as d'autres dates, vas-y, c'est le moment où j'aime. Non, pour l'instant non. Ah, le bazar. Ah oui, le bazar, c'est ça. Le 20 à Marseille, ouais, au bazar. 20 avril, ouais. 20 avril du côté de Marseille au bazar à la maison. Voilà, on va faire trembler les murs aussi. Tu vas jouer à domicile. À domicile. Et bah loupez pas Jules près de chez vous. Et puis les autres dates, on peut te suivre hein, sur les réseaux sociaux. Rappelle un peu les adresses de Jules. Alors, il y a mes deux pages officielles, Jules Saint-Jean-la-Pointe et Jules la crise au mic mec, Malamadré 3ème. Ça c'est mes deux Facebook. Le reste c'est que des fakes. Et voilà, on va tous les faire sauter dans pas longtemps. Jules avec nous, la question pour repartir avec l'album dédicacé. Chaque soir il y a une question, vous repartez avec l'album dédicacé. Vous envoyez avec le hashtag la réponse, le hashtag Jules sur Skyrock ou alors au 41 759. Ce soir la question est la suivante: quels sont les noms des trois featurings sur l'album Dans ma paranoïa? On l'a dit en début de l'émission. Donc si vous avez suivi, c'est simple. Lundi, c'est en effet Liga One, pour ceux qui connaissent le label. Les noms des trois featuring dans l'album Dans ma paranoïa, allez-y, vous les balancez au 41 759. Et avant de balancer un petit peu de pub, on va écouter encore un morceau. Est-ce qu'on met le morceau qui a été justement le plus demandé aujourd'hui par les auditeurs de Skyrock? Pourquoi pas. Il s'appelle Jeune de Cité. Jeune de Cité, avec Soso Manes qui est là. Oui, Soso Manes. Soso Manes qui fait partie des... Soso Manes, big up à Fred, Jules, Fafa, Chico, ouais. Cher Ali, on est là. Fais du bruit pour mon gars Jules. Kamikaze. Comme on est la deuxième soirée, je te permets de raconter ce qui s'est passé cet été quand on s'est croisé, parce que j'ai eu l'occasion de croiser Soso Manes. C'est ouais. Tout bazar d'ailleurs, il me semble. Ouais, c'est une histoire vite fait qui s'est passée entre moi et Fred. Oui. Ça s'est passé dans une boîte, dans une soirée à Marseille. Et moi, je le connaissais, tout le monde connaît Fred de The Sky, bien sûr. Je l'ai croisé, il était 6h du matin, c'était l'homme. 6h déjà? 6h du matin, j'étais méchant, un peu comme moi, frérot. Bon, bref. T'es sûr qu'il était 6h? 6h, ouais, oh, c'est jour. Donc, écoute ça, Jules, tu vas rigoler. Je croise Fred. Beaucoup plus tôt. Je croise Fred, il est en train de manger un hamburger. Écoute, je vais le voir et je lui dis. Ça cale, hein. Écoute, souvent à 6h du mat, c'est le truc qui cale. Je le vois et je lui dis quoi? Fred, ça va ou quoi? Ouais, bon, on discutait. Enfin, ça va. Et il me dit, je lui dis, frérot, je te promets. Que dans 6 mois, je viens avec mon équipe, moi, Jules, Kamikaze, avec les Gawan Industries, faire Planet Rap. Il m'a regardé, il m'a dit, ah ben franchement, si tu fais ça, c'est respect. Il n'y a personne qui me l'a fait. Ben, V. Voilà. Et ben, 6 mois après. On est là ou pas? On l'a fait à 6h30, vous inquiétez pas. Non, laisse tomber. On l'a fait à 6h30, ouais, c'est ça. Mais les images ne sont pas disponibles sur Instagram, cherchez pas. Rien n'est disponible. Vous ne me souvenez pas qu'il était 6h. Prochaine fois, je vais me coucher beaucoup plus tôt. On va pas parler du pari. Non, c'est bon. Hop. Qu'est-ce qu'on a dit? Jeune de cité, c'est ça, hein? Voilà, jeune de cité. On en va avec Soso Manes. Allez, c'est parti, Soso Manes qui est là. Tous les jeunes de cité, tous les quartiers, toutes les banlieues de Paname. C'est la crise au mic, mec. Je suis ce jeune de cité. Je vois de l'argent, je suis trop excité. Je vais de l'avant, je me fais inciter. Mes potos au bras qui veulent m'inviter. Putain j'hésite, je deviens fou, je suis à terre, j'en ai marre de voir les autres plein de sous. Je monte sur un coup, adrénaline, les flics me traitent, je suis sous écrou. Et maintenant que je suis dans le zoo, qui va m'assurer? Qui va aider ma mère, qui va m'envoyer à fumer? Je suis ce jeune déstabilisé, visé par l'état, j'ai le cœur brisé. Je m'en fous des femmes, je veux un réseau, j'ai perdu des années, je veux rentabiliser. Je fais des passages avec plein de claquettes, qui va garder tout ça, je me prends la tête. Je fais des tours, je sens que ça me guette, rentre pas chez moi le matin de peur que ça me pète. Parano, je doute sur mon équipe, rien que ça fait des trous, ça s'amuse, ça fait les pites. Peut-être que ça veut me descendre, la jalousie fait qu'on trompe, que ça suit des bites. J'ai voulu refaire les grands, j'ai voulu les imiter. J'ai quitté l'école des capacités limitées. Tu t'es mis à fumer comme tous les jeunes de la cité. Tu t'es mis à boire comme tous les jeunes de la cité. T'as voulu refaire les grands, t'as voulu les imiter. J'ai quitté l'école des capacités limitées. Tu t'es mis à fumer comme tous les jeunes de la cité. Tu t'es mis à boire comme tous les jeunes de la cité. Jeune de cité, jeune de cité. Et t'es comme hiver, moi je chais les TV. Facilité de faire mes couilles, mais mon meilleur pote vient de se faire payer. Il m'arrive des fois de mettre la cagoule. L'argent ça j'arrive pas à le quitter. J'craque tout en paye, bande d'avocats. J'rentre pas en boîte, j'traîne dans les bars. Y'a cette meuf qui bosse au comptoir. J'crois que j'ai bon, j'vais la ken dès ce soir. Puis y'a ce type qui me regarde de travers. Moi ce que tu cherches, que je te monte en l'air. Crochet du droit, arcade ouvert, bouteille en l'air, chien sur la tête. C'est bon, j'me taille, j'dors à l'hôtel. Ne m'appelle pas, j'ai cassé mon tel. J'ai une larme sur la joue. Yeah. Marre de Giro, non accompagné de la. Oscar, Tartar, Jojo, Yayo. Je pense à vous les gars. Je vous sens basse sur toi. Et tous les jours je pense à vous. T'as voulu refaire les grands, t'as voulu les imiter. T'as quitté l'école des capacités limitées. Tu t'es mis à fumer comme tous les jeunes de la cité. Tu t'es mis à boire comme tous les jeunes de la cité. Capacité limitée, limitée. Fumé comme tous les jeunes de la cité. J'en parle pas, je profite tous les jours au check, je me sens pas. Je fous les clients qu'à la tête, me reviens pas. Je vois les potos passer les autres, partir à la plage. J'attends la relève, y'a des gains qui me remplacent. Faut que je me mendier gros pour me mettre en place. Mise dans la drogue pour me mettre en place. Prenant pour les folles, pour le temps pour les cols. S'ils font des guet-apens, oui, pour me mettre en toile. Je les vois passer, je les vois passer. Pour des cris, mes guetteurs vont la voir casser. C'est passé, faut les caillasser. Si je fais un trou, le patron va tabasser. Je vais devoir la chalasser. Je vais faire un TP gratuit. Ça va mal passer. Ça te désange tous les jours, mon frère, moi ça me dégoûte. Depuis la naissance, je me passe si le mic est sur écoute. Pour monter, ça te désange, je te jure, mon frère, moi ça me dégoûte. Depuis la naissance, je me passe si le mic est sur écoute. T'as voulu refaire les grands, t'as voulu les imiter. T'as quitté l'école des capacités limitées. Tu t'es mis à fumer comme tous les jeunes de la cité. Tu t'es mis à boire comme tous les jeunes de la cité. T'as voulu refaire les grands, t'as voulu les imiter. Des capacités limitées. Tu t'es mis à fumer comme tous les jeunes de la cité. Tu t'es mis à boire comme tous les jeunes de la cité. Voilà. Une petite dédicace à Gila Lune, Barbas, à Asda, à Asjin, Amada et Wassim, au bon maître. C'est la crise au mic, mec. Joule. À JP du 2B, au Panté, à la mine. Avec la crise au mic. Avec jeune de cité à l'instant sur Skyrock. C'est ce qu'on écoutait dans le Planète Rap consacré à Joule. D'ici quelques minutes, il y a du live qui se prépare. Il y a quelques secondes, je vous posais une question. Les réponses, la réponse a déjà été trouvée par milliers, j'ai envie de dire. Quelles sont les trois personnes en featuring dans l'album Dans ma paranoïa? Tu veux les rappeler? Donc Sosomanes, voilà, qui est là avec nous et qu'on écoutait sur Jeune de Cité. Ils sont là avec nous et Khalif, Khalif Hardcore. Khalif Hardcore sur qui arrive avec son album lourd. Ça va péter. Ça va péter, c'est vrai. On va revenir dans un instant. Jules, on mettra encore d'autres morceaux. Il y aura du live avec toi. Voilà, il y aura du live, ouais. À pas louper, on vous attend freestyle de Planète Rap aussi. Bougez pas, le retour, c'est après ça. C'est le Planète Rap avec Joule cette semaine entre 20h et 21h. Tous vos messages qui débarquent par milliers, allez-y avec le hashtag Joule sur Skyrock. Vous continuez à envoyer des messages, des questions à Joule aussi, 41-759. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un... Non, rien. Tu veux dire quelque chose? Non, non, à part sur la crise au mic, en direct de Panama, Skyrock, on va tout péter ce soir. Eh bah bougez pas dans ce même temps. Il y a du live, on passera aussi un autre morceau dans quelques minutes, c'est le N'importe quoi. N'importe quoi, allez. Allez, N'importe quoi, ça arrive juste avant, il y a Slimka de Metz. Allo Slimka. Salut Fred, salut Jules, ça va? Ça va Slimka? En forme? Donc, tu connais Jules? Ouais. Et bah voilà, c'est on n'entend beaucoup parler en ce moment. Et bah il est là toute la semaine, tous les soirs entre 20 et 21. Et toi Slimka, on va t'entendre rapper maintenant. Vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti. Slimka Cash Game. Ok, check. Je les domine, tu le fais. Je mitraille le game, je suis pas là pour manger les rêves. Je prends le pouvoir, la morale, j'en ai rien à tirer. Fais pas de concession, restez tranquille, ça va tirer. Bande d'enfoirés, je les domine, tu le fais. Je mitraille le game, je suis pas là pour manger les rêves. Je prends le pouvoir, la morale, j'en ai rien à tirer. C'est pas concession, restez tranquille ou ça va tirer. Yeah. C'est la différence, mec, quand pas t'as pu la défaite. Y'a que des MC qui s'égarent, non y'a pas de prophète. J'ai pas déposé les armes, je déterre la hache de guerre. Quand je pense à tous ces chiens, j'ai comme des pulsions de meurtrière. J'en ai rien à foutre des rumeurs, j'ai le sang froid comme un tueur. Quand je me bats, c'est avec honneur, j'plose mes rimes dans la terreur. La rage au ventre depuis que je suis adolescent. J'ai l'adrénaline dans le sang, le regard menaçant. J'fais un cap quand le climat est oppressant. J'irai jusqu'au bout, j'ai juré, je vais tous les réduire en purée. Les torturer, les capturer, seul Dieu est grand, j'emmerde curé. Y'a pas de chapeau. Pas d'issue au bout du couloir. Prendre ma tête, elle est mon devoir. C'est pas quartier, je veux le pouvoir. Je les domine, tu le fais. Je mitraille le game, je suis pas là pour manger les rêves. Je prends le pouvoir, la morale, j'en ai rien à tirer. C'est pas concession, restez tranquille ou ça va tirer. Bande d'enfoirés. Ok Slimka, okay, à l'instant en freestyle du côté de Metz. Merci à toi Slimka. Si, si, je peux passer une dédicace. Vas-y, vas-y, on t'écoute, ouais. Vas-y, bah dédicace à Fred, à Eddie Monet, Radical, Specimen et à toute la famille Wayne. Et puis pour mes pages, si vous voulez me retrouver, alors pour la page YouTube, c'est Slimka Officiel. Et pour Twitter et Facebook, c'est Slimka Officiel. YouTube, Slimka Officiel. Twitter, Facebook, Slimka Officiel. Check. Merci à toi, Slimka. Ok, mon pote, bonne soirée à tous. Ciao, bonne soirée à toi aussi. Passez une bonne soirée sur Skyrock. On va écouter un morceau de Jul maintenant. Un morceau qui s'appelle N'importe quoi. Voilà. Ça te va? Attends, tous les frères énervés en ce moment. Essayez de vous calmer un peu. Et voilà, écoute le morceau. Allez, c'est parti maintenant. Rien à perdre, je jette à l'eau. J'ai vu que les mecs malhonnêtes. J'arrive à écrire, je me force à rire, mais ça se passe trop de ma faute, mec. J'évite le terre-terre, le commissaire en monte en l'air. Faut que je perche, je perche les nerfs, je vais leur montrer aux adversaires. Ça fait les mecs qui capent et de rue après j'entends que ça soleil. Ça fait les mecs qui frappent, ça repart le nez cassé, le bleu à l'oreille. Je vois pas ma vie en couleur, mes potes c'est tous des voleurs. Ma mère elle a des douleurs, connais j'ai des douleurs. Crève des gens qui s'empêquent, qui parlent pour qui s'en vont. Maintenant j'ai quelqu'un s'empête, c'est avec toi ton flingue tu l'emportes. Tu pètes les plombs, s'empêtes, tu viens, tu graves pas tes bons. Je ferai pas le premier pas même si je reconnais mes temps. Moi j'apprends, sans pitch, ça bat tant qu'attends. T'en sous, tu partant, ça veut te perquiser, toi t'attends. Et toi t'attends, et toi t'attends, et toi t'attends. Ça veut te perquiser, toi t'attends. Tu fous n'importe quoi, tu fous n'importe qui. Wesh mon pote, la vie c'est pas New Jack City. C'est pas New Jack City. Tu cours sans réfléchir sur ta première cible. Sur ta première cible. T'as trop vu les films, y'a pas d'invincible. J'écris la vie c'est le bon sens, j'peux plus aller dans le bon sens. Les flics m'embarquent, ma mère m'a dit fils trahis jamais ton sang. Les petits sont venus me voir, on dit tout nous mettre en veut s'armer. J'pense à mon pote en vol, j'crois que sa mère va jamais s'en remettre. Tu veux arrêter le shit mon frère, reste à geste et s'en remettre. A chaque fois on est plein de problèmes, et on sait à qui s'en remettre. On est des cons, on rame des bons, ça veut dire qu'ils on fait des bons. On cherche l'or, nous pas le bronze, on est bon, ils font que du con. Quand tu connes, tu baisses ton pote, t'es content. Moi le quartier j'le content, j'aime quand j'y pas du bon temps. Fonte, sert à rien de te cacher. J'suis fané, j'ai vu mon pote célébrer prendre des cachets. J'ai vu des potes trahir, creuse les appels, les despuntos. Les clients ils font souffrir. Viens à ma caisse, ils veulent une dose. Vas-y passe, le bric et le béton, même si les fins. Les liquides j'ai pris mais ça se passe pas sur TF1. Tu fous n'importe quoi, tu fumes n'importe qui. Heureusement pas que la vie c'est pas New Jack City. Tu peux sans réfléchir sur ta première cible. T'as trop vu les films, y'a pas d'invincible. Non y'a pas d'invincible. Il est bizarre ce train de vie. L'argent nous fait cogiter. La la la la la. Ton frère à l'instant quand tu es, ça te critique pas grave quand tu sais qui tu es. Raconte pas tes légendes, t'en fous de ta life, de ton passé, de tes amis, de qui t'as tué. Il est bizarre ce train de vie, l'argent nous fait cogiter. La la la la la. Écoute mon frère à sans se tuer, ça te critique pas grave, tu sais qui tu es. Raconte pas tes légendes, t'en fous de ta life, de ton passé, de tes amis, de qui t'as tué. Tu fais n'importe quoi, tu fais n'importe qui. Wesh mon pote, la vie c'est pas New Jack City. C'est pas New Jack City. Tu crois sans réfléchir pour ta première cible. T'as trop vu les films, y'a pas d'invincible. Une petite dédicace à Kamel, la Sven. Du bâtiment D, Reda, Lounis, Kalilou, de ce ballon. Tout bâtiment D, fait péter. On va tout faire péter. Une petite dédicace à Amada. C'est le petit en gros cube avec la casquette Yamaha. Tu dis du Malik, c'est la crise au mic, mec. Et c'est Joule au mic. Qu'est-ce qu'il y a, Totin? Tu te rapproches, qu'est-ce qui se passe, Totin? Tu veux dire un truc? Ah, tu veux l'emboucaner, d'accord. Il veut m'emboucaner. Il veut t'emboucaner, comme on dit du côté de Marseille. Il veut me chauffer. Entre 20h et 21h, c'est Jules. Donc ce morceau qu'on écoutait à l'instant, un morceau un peu, voilà, un peu nostalgique, un peu... Sensé. Un peu sensé, peut-être. Non, mais celui-ci est né comment? Voilà, pendant une période... Ouais, un voilà. Peu plus dur que tu traversais. Voilà, ouais, on peut dire ça. Non, même pas. C'est. Voilà, c'est tout ce qui se passe un peu à Marseille en ce moment, tout ça. Et... Bah hier, voilà. On l'a vu encore avec un jeune qui est mort sur l'autoroute A7. Voilà, ouais, on a vu ça. Faudrait se calmer un peu. Je demande à tous les jeunes un peu, tous. Que ça se calme un peu, tu vois. Que, je sais pas. Après, il y a des histoires et voilà, on peut pas. On peut pas contrôler des fois. Non mais c'est peut-être bien de trouver peut-être une autre solution pour régler les histoires que tirer un coup de Kalachnikov ou autre. Ouais, après voilà, c'est compliqué. Parce qu'il y a des familles qui pleurent dans voilà des deux côtés. C'est sûr. Après c'est des histoires et voilà, on peut pas rentrer dedans. Et c'est comme ça. Hein. C'est la vie. Ouais, c'est la vie, mais ce serait peut-être bien aussi voilà qu'il n'y ait pas de fatalité à ce qu'on voit de plus en plus de jeunes qui même si évidemment il y a forcément des histoires à régler, forcément qu'il y a des histoires en dessous de tout ça, quand il y a un règlement de compte à ce niveau-là, mais. Peut-être réfléchir à d'autres choses, peut-être penser aux familles qui pleurent, aux mamans qui sont en train de pleurer ce soir, papa aussi, aux oncles, aux tantes, aux frères, aux sœurs, voilà, avoir une pensée pour eux, une pensée pour tous les disparus et en espérant en effet que les choses s'améliorent. Joule avec nous entre 20 et 21, prêt pour le freestyle maintenant? C'est pour le freestyle aussi, tu peux y aller. Ça va freestyler maintenant, okay. DJ Case, est-ce que tu es ready? C'est parti, session live dans Planète Rap. Joule, la Liga One avec nous aussi. Ok. Yeah. Ah. Joule, la crise au mic, mec. En direct de Skyrock, now it is. Joule, Liga One Industries, sous son madness, kamikaze, poto. C'est la Liga One. Yeah. I want motherfucking now. C'est un fort de passe que ça vient quand je roule pas les coups. Yeah. Ok. Le téléphone. C'est à force de te laisser faire qu'un jour on craint pas les couilles. T'es peut-être costaud mais ça le fait pas. Quand tu dis que tu crains pas les douilles, faut pas que tu doutes, faut pas que tu goûtes. En piquet sur la route, sous pack de douze. C'est pour mes cousses qui disent que Joule, ça s'écoute, ça c'est cool. Demande à Asdin en tol comment le temps se coule, hein. N'écoute pas les gens qui disent elle nique pas. Elle sort pas, je la connais trop, c'est ma sista. Ce dead faut que tu en pistes, mortel sur la piste. Yeah. Toujours les mêmes habitudes pour l'approcher, faut une tactique. C'est classique, comme elle raffole de la kick. Tu veux ton stick pendant qu'elle t'astique avec ma zik. Mais tu veux quoi? Non, crois pas qu'elle sont pour toi. Tu veux savoir Bill Cavizzi, Frilino, le GP quoi? C'est quoi? C'est un 3-5 dans le MP3. Marche droit, je sais que c'est tellement dur, mais bon, faut y croire. Et le soir, c'est plan Gadji ou écriture à la hache. Ça fait des RDV sur le bon coin, gros. Ça fait du cash et ça s'arrache. Un message que même si tu me défends, je t'aime pas. Moi, quand je suis un chien, je rentre chez moi, je fais rien, je traîne pas. Apprends que nous, on t'écoute pas. Que même si tu frappes fort aux actes, quand j'ai ce qu'il faut, t'as besoin de mettre des claques. Tu braques? C'est pas possible, tu blagues. Toi qui disais que c'était une folle, t'as fini par lui mettre la bague. Mes potes se niquent pour un Gucci. Oh shit, mon Gucci, t'es amoureux, tu veux me donner ton boule. Mais t'écoute, petite, ça te travaille au corps. Demande à Houssine, on veut tous les limousines. Tu veux pas sucer, c'est un souci, insouciant. Je sais comment ça peut se finir, une bagarre. Écrase mon tête, mauvais geste. C'est la cointe, tu peux finir au placard. Demande à la gare pour du bif parce que j'ai tard en 24 heures. Je sais même plus combien tu as fumé de pétard. Ouais, c'est de lourd. Demande à Mousse, c'est comme une droite dans ta bouche. La AAA, la Laguna, elle traîne trop dans la zone et c'est ton matelas. Aujourd'hui, on craint les têtes qui sont passées sur le matelas. Même quand tu vas pisser là-bas, le surveillant te mate là. Ça ne s'aime pas, faut pas qu'on se cause, qu'on se croise. Plus grosse souffrance, le regard froid, tu penses à moi, que je tombe. Mais j'ai pas les lobes pour sortir ma chérie. Plus le temps, faut que j'innove. Je suis sur la lune, faut que j'atterrisse. À tes périls et tes chemise Burberry, tu fais un délit. Avec ton pur son délire, ils savent que tu mets des séries. Quand je suis les quartiers, c'est la guérilla. En cas d'embrouille, on sait qui a. On arrive des terres sous tequila. J'ai pensé, tu restes assis. T'es que ta vie, c'est du gâchis. Tu quittes l'école, charbon, vol, vol. Toll rime avec pactole, mais c'est comme si tu le savais pas. L'argent, tu en avais pas, alors tu as fini dans un sale état. Ta mère te vire chez toi, tu finis à hôtel étape. Et mec, ne tape pas, ne craque pas quand t'es petit. Oh. Ne saute jamais les étapes. Quand t'es à la pente, y'a des chemises qui montent à pied. Un jour, je rappelle avec Vizy et ses fils de pute qui m'ont tapé. Ouais. Vous vous cachiez, mais on vous voit. Les vieux de la vieille, on les vous voit. Monsieur l'agent, tu veux me toucher les couilles, mais t'es fou toi. Yeah. Fafa au figeal, y'a ceux qui gèrent, ceux qui jacquent, ceux qui tuent au shit, ceux qui arrêtent et qui se mettent à la chicha. Et on part, ça chuchote. Ça me mijote, t'as pris 4 verres à la mise. Même plus si elle chipote. La vie, c'est un gros parcours, mais pour moi un peu trop acide. T'entends mon téléphone, plan folle, j'arrive à me placer dans la caisse assise. Nous, c'est Twingo, c'est pas assise. On check à des balances, des racistes. Et on joli, te lève tes lacets, t'as même pas d'avocat qui t'assiste. J'en ai pas, mais faut que j'essaie. J'avance le cœur blessé, j'ai plus rien d'attachant à part faire mes sons sur mon PC. C'est la crise de Mike Maker. Donne-moi deux balles, gros, t'es pas marrant. J'ai pris de l'avant, j'suis en sous-marin. J'suis la tempête sur ton catamaran. J'suis dans mon délire, tu sais qui bouge les caméramans. J'ai appris dans le mouche, fils, t'as mis dans mon check à côté des ramans. Laisse-moi dégute. Pas tout le monde a ma chance. Pas tout le monde a ma voix, je remercie le bon Dieu quand je suis seul dans ma chambre. J'étais au terre-terre, j'voyais. Peu de personnes en moi croyaient. J'vois des gens me lancer des pics. Des gens que j'côtoyais. C'est la déguerre, ça y est. J'vais les défourailler. J'suis pas moi qui me cache, j'vois des gens qui me cachent. J'ai pris tout leur buzz, ils ont rien à gagner. Tu veux me voir, poteau, tu sais où j'traîne. Viens au studio, poteau, tu repars quoi. Tu peux mettre une pare-balles. Si ça te vise la tête, c'est que dans la vie y'a des choses qui ne se réparent pas. Macaro Tarba, Marseille ou Paris. Placard ou Carrefour, c'est la même poteau. Si j'en compte à Ride, MC, j'ai déjà dit, je suis leur papa. Y'a des petits en runner à la recherche du bonheur. Ça fait les sous jusqu'à tard. Et en plus de ça, ça se lève de bonheur. Garde ton honneur, juste pas des gueux pour avoir un peu de buzz. Tu faisais le mec qui était bien quand j'étais en GM. Maintenant tu viens me gratter pour fumer un peu de buzz. Passe-moi ton stunt, pourquoi tu veux pas, tu crois que c'est des maths. Rigole pas des gens, le jour ils sentent fort et reviennent et t'écrasent. Ta femme te matraque, t'es comme un tout toi. Quand elle t'est faible, des fois t'oublies tout doux. On mène des vies de niquer, parce qu'on n'importe où. Et fais-en un, demande à Fafa tout court. Qui parle de moi, ils veulent boire ma tête ou ma bite. Qui jalouse de moi, dis-moi, je les baisse. Et un jour, je sais où ils habitent. Dis pas qu'on est quitte, je t'ai frappé fort ton dernier coup. Baisse les gouttes, si tu m'as dit ma crime, tu plus de temps, faut faire les oeufs. Ça y dit, je me languis. Sors les grosses volées, calaché, mais les tous en i. Tu veux savoir, je suis qui. Ce mec de quartier qui rêve toujours du boule à chaque i. On m'a dit, mon cœur, vas-y, casse tes têtes, me reste sur tes gardes. Tes conseils, bégardés. Ça parle de monnaie, ça fait que zoné, écarté des volé, pour le billet, violé. Franchement, désolé, zolé. Si je fais de l'ombre au soleil. Fais pas le mec qui pilote. Tu fais que des soleil. Faut pas déconner, on se connaît. Je fais pas le gros, mais je gommais. Trop de meudeurs, je vois tous les petits de ma ville, des psaulés. Calibre autour de la taille, dans ma paranoïa, et oui, ma caille. Des pips à taille, moi non, mon pote. C'est le talent qui fait que je passe à Sky. Tu passes ici. Fais pas ça, bibili bang, bang, on m'invite de ding. Je roule pas en casa, je fais du lourd du neuf. Tout ça que ça fait à tout va. En tout cas, si ça va mal, je te dirai si maman va bien, ben pas tout va. Ne m'en voulez pas, mais je vais en descendre plus dans le check et moi. Putain, j'ai l'esprit du futur à fond dans ma tuiture, elle est morte, ma Twingo. Putain, je suis en Materazzi, accompagné du GP. Je fais pas confiance au microbe, j'ai bien retenu la mort de ZP. On veut te prendre dans mon mar, demande à Barbaz, mon vice c'est The Wire. Fais pas me prendre les couilles. Laissez-moi chez ailleurs, on s'en bat les couilles. Demande à Azine, on s'est fait tout seul. Demande à Amada, démarrage boussole. Demande à Wassim, ça prend tout du stunt à la moto Yamaha. Cagoule, braquage, coup de cross, palpage. Inspiration hit, quasiment franchi. Me dis pas que t'es dans la course, j'arrive quand toi le départ. Tu viens juste de le franchir. La crise de Mike Maker, énervé ce soir. On est plutôt détendu. On est mon instru, s'il te plaît. On met mon instru. Case. rebalance l'instru, je crois que c'est pas fini. Je crois qu'il y a une prolongation maintenant. Ok. Ok. C'est la crise au mic maker. Ok. C'est la crise au mic maker. Les petits parents chips bring vite en. Y'en a qui font les mecs sneak des mythos. Fais gaffe à fait ton vote caché au guidon. Fais pas le mec avec moi, tu n'es qu'un petit con. J'fais tellement de buzz qu'ils veulent me détruire comme un tour de picot. Demande à Chico, plus rien à faire, c'est la rage qui cause. C'est plus l'homme, c'est les couilles qui parlent entre elles, ça veut taffer ta gigose. Faut pas le vin, tu connais ta daronne. J'suis venu dans le game, leur mettre la carotte pendant que les gens chez moi te bagalopent. Ils se croient dans galop, c'est pire qu'une chasse à l'homme. Tout le monde devient doc. Comprends pourquoi ça nous catalogue. Petit Vito, téléguidé. Cabrosito, cap dans la cité. Depuis Zito, toxico, le sang chaud. Si il faut, il peut te les guider. Moi je vais me vider, gros, j'ai plein d'idées. Tu te dis si ça, frère, on s'est guidé. Si t'es plus bactère, tu veux tout niquer. Okay. Je veux pas de son, je me tue au canin. Mauvais garçon, oui, mais mon cœur a mal. Mignon comme un chaton, mais je peux te faire du mal, man. C'est moi, un verre, aimer la même au barman. Je calcule pas mes ennemis, y'a des bons, des mauvais partout. De Marseille à la Seine-Saint-Denis. Ça part garder ganté, lève le renard, ils savent la haute marre, la vache franchie. Oui, on en chie, oui, on en bave. Je tombe pour ce qui m'aime, mes vrais potes, ils le savent. Tu peux te montrer, gratuitement, tu parles mal. C'est un peu comme se laver les mains dans le dos sale. Dommage, ça fait trop mal, oh man, hommage aux gens des mecs qui sont partis. Hommage, trop de braves, trop qu'il faut les mecs frais, ils en baffent. Je m'emballe, je veux pas juger les gens, moi-même je m'emballe. Je m'embranle, dédicace au banlieue, ça m'écoute tant mieux. Un gros qui ressemble, j'ai demandé tant que des millions, mon j'en veux. De la rage, autant veux, putain, tu fais ta vie, ça fait longtemps que j'ai les dents, vieux. Jusqu'au bout dans l'enjeu, y'a personne qui donne à manger. Mais fais gaffe à tes enjeux, t'es noté par les enjeux. T'es noté par les enjeux. Petit dernier pour finir en tête de la course. Jojo, tous les kids, pas que ça court. Même à court dream, j'visionne, j'détaille. J'trop la rage, comme il est, j'mitraille. C'est sûrement dans le mistral. Le truc, mais j'parle. J'aime bien ton collègue, mais c'est qui se calme. J'taffe du j'en parle qui disent que j'dorme. On a rien à rien, alors j'veux le disque d'or. J'vais pas la star, toi, MC, j'te le tord. Fais gaffe, faut j'me disprends derrière l'histoire. J'veux le couper sport, il me reste un peu d'espoir. Ne mets d'espoir, j'me mets tard en ton histoire. Un big up, on peut tout condamner. C'est gars chaud, il parle toute l'année. Chez nous, ses cheveux longs, gros dégradé. Ça fait des grosses locks et ça joue les pâtés. Mon sort enfilité, n'en fait de partout. D'un côté, ça me fait le buzz, je m'entends de partout. Quand t'es en runner, trahis pas les vats, on start ton honneur. Un petit VDH, un gros de code de donneur. Oh merde, on m'a dit du temps de main, c'est ton honneur. À ce qui brasse, qui taffe au chômeur. Marseille, c'est chômeur, donc tu vas le sauver. Tu le fais, c'est bien douleur. Y'a des petits gantés dans le Range Rover. Cagoulé pour braquer, un vrai film d'horreur. J'pose dans l'aigle, ta capitale du gros meurtre. La pète à fond verte, pas content ni ton père. Jamais content quand ton père, au réveil qu'il va voir. Il me faut mon père, c'est un civil déchargé. Obligé, on le perd, ça se sent l'impact. Sorti intact, je t'affonne un dé, moi j'ai pas signé le pacte. C'est reste beast, ne les respecte pas. De toute façon, y'a des fils de. Y'a des fils de. Y'a des fils de pute. Y'a des fils de pute. Y'a des fils de pute. Y'a des fils de pute. C'est la crise au Mike, mec. En direct de Skywalk. Allez, un kamikaze. Big one. Okay. C'est tout pour la monnaie, ça tire dans les côtes, ou ça tire dans les mollets. Va leur faire à d'autres, on se dit que ça arrive à d'autres. On sait rien faire d'autres sur le bitume, on est collé. Et tous les chiffres, c'est le vote sur le bitume, ça met des volets. On doit s'y coller, on fume pour décoller. Regarde à travers, pas trop la tête à rigoler. Je vais me péter les bords, qu'ils aillent se faire enculer. Dans la bloc, le sac vous quittez pas, gros. Moulard dans le bloc, on le sent les chimacs culés. Tour à la futée, des parano, pour toi tu m'entends qu'elle bouteille. Je suis dans la buée, je parle pas comme un muet. Je roule un gros pétard et la rime est que t'as buté. Les vrilles ne parlent pas de rats négoces. T'auras pas plus de batterie pour t'en faire les gosses. On rappe depuis qu'on est gosses, c'est ta mère à rime grosse. Je vois des rimes sèches, je veux l'un comme un coup de crosse. Il est dans la sacoche, ça charbonne sous le porche. Ça touche les RSA et ça roule en Porsche. Je suis dans les couilles, j'en mets dans les poches. Photo cache, le produit avant qu'il sorte la lampe torche. On peut y rentrer, mais tu casses la wash ton. J'en peux les vaillants, en plus que je prenne des cachetons. On est dans la gestion, ton bas de veston. On vend du shit, pleure, ta rame, on la rache ton. Tu t'es ménique, on t'arrache ton crâne. Y'a trop de petites voiles où on est piston. Tran, on esquive les ham, nique la mère au vendu. La chance bat depuis que la drogue, c'est répandu. C'est la folie dans les cerveaux, ça ton parent. C'est pour les poteaux et le pays, ça leur daron. On veut se barrer, qui t'a misé sur le marron. On tous les pieds jusqu'au marron. On est dans le brouillard, je te jure que t'es seul, comme un débrouillard. Ils donneraient leur mère pour un milliard. Si tu parles, faut assumer, on fait pas le trouillard, hein. Les gars, on industrie, les gars, douce avec moi, j'avais un. Aujourd'hui, je suis pas d'humeur. Les gondés sont à l'entrée. Pas de clients depuis des heures. Ça commence à t'éminiquer. Pour inculter au parquet, pour des données, t'es un bouquet. Réfléchis avant d'agir. J'ai des amis compris, perpète. Un coup de nez, un rail de zèle. Une poussette, une mitraillette. J'ai dans ton poteau d'avis le go. Dès que il se lève plus le trait. Maintenant, tu regardes, tu fais l'auto. Souhaite que je te vienne en aide. Tu comprends la vie qu'on a. C'est une putain de prise de tête. Mes potes changent pour une cagette. J'ai Jack and Hachek. Rien de ce dans le plus achète. Humble et plaquette. Avec, avec tes disquettes. Dans la rue, t'as jamais vu. Quand tu fais le 17 et tu fais le king, j'aurais jamais cru. T'es une folle, j'aurais jamais su. La garde, t'aurais jamais cru. Tu fais vrai, ça fait de la thune. Si tu parles mal, c'est ça dans ta lutte. Les DSDM. Rattache béton, attaque métro, arnaque c'est trop, Gucci Vuitton, backpack et tout, galage réseau, petit stunt moto, prolo tais-toi. Ils ont dit que Jack s'appelait. Depuis que les flics rappellent quand l'équipe, sup, canine, camouflage, bangé, gros manque de respect, ça peut te tenter, ça fait que tenter, des bras couilles gantés, ça marche pas. Ok, DJ Case, remets poulot, poulot. Ok. Remets ça. Un dernier coup. Un dernier coup. Allez, dernier coup. Un dernier coup pour la route. Ok. Live de Jules dans l'émission. Rattache béton, attaque métro. Arnaque c'est trop Gucci vite. Pas claqué tout calage et dos. Rattache béton, attaque métro. Arnaque c'est trop Gucci vite. Pas claqué tout calage et dos. Petit un moto couple au détroit. Ils ont dit que au check ça finit. Depuis que les flics rappliquent en équipe. Stup, canine, camouflage, bandé. Comment te respecter, ça peut te tanker. Des bras couilles gantés, ça marche pas, tant pis, feront pour manger. Tu brasses tes couilles, hein, sur mal et tes couillons. Après ta daronne qui ramasse les douilles. Mais c'est ce qu'il fouille, même dans les souliers. Pour certains potes, on sait se mouiller. Ma vieille calibre, ennemi taline. Gros bâton pour ceux qui sont pas libres. Gosse DN, chez les majeurs, chez les mineurs, c'est les galenjis. Gros, je te fais péter le week-end. C'est fils de c'est pas la galenjis. Ça partait, voler, écarter des volets. Des passes à rigoler, ça brûle des violets. Fallait que je monte, fallait que j'innove. Fallait qu'ils sachent que je fais pas ça pour les mineurs. Je fais du solo, nique sa mère. Je crois vraiment qu'elle me voulait pas sa mère. Je parle de la seule, t'attaches pas à la personne quand elle pourrait te laisser dans la mer. But me rionner, travail camionner. Pas besoin de te montrer pour voir qui on est. J'suis pas un égard, belle monnaie. J'ferai tout pour mettre maman dans un yard. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton équipe? J'ai plein d'affaires avec ton équipe. Que tu voles, ouais, je vois les pires. Rectez contre avant de parler. Easy, easy, pas le temps de classe, moi j'suis trop pressé. Quand y'a peur qu'ils ici deux jours avant, les darons sont stressés. Que des victimes, plein de malin. J'm'en manque que la guerre comme mon mal. On te fout les boules comme mon âme. Trop vénère, surveille ta mamie. Beau secteur des civiliades. Des gros joints, mais des joints d'IA. 1, 3, 5, 5, j'en pointe dans TBDH, TBDH. Tu jaloux le faible, le quartier, le vol, le banco, le béton. Rappateur, guideur, l'auteur des crimes. L'inspecteur, l'enquêteur, le Sivanji. Le flic en vélo, qui fait son numéro. Ninja transat dans le ghetto. A peine 12 ans, ça filme le bédo. Anti-BDH, anti-pédo. Shit, c'est l'eau, la crime, sup. Devant le PJT, toi tu peux. Avant ça crier, faut que le sup. Famille changée, prochaine sup. Ça tourne pour la kick, en souplesse. Anti-catch-catch-tick, on vous baisse. Par terre on vous laisse, on te prend toi, ton gang et tout le reste. Y'a le gentil, le méchant, le bandit. J'te parle, faut pas lui qui a pas entendu. Moi j'aurai jamais la conscience tranquille. Avec la juge, on joue au pendu. Y'a des mecs qui vendent, des mecs qui arrachent. Des mecs qui cachent, d'autres qui calachent. Ceux qui se retiennent et ceux qui rabâchent. Un petit tour vélo, qu'est-ce qu'on fait avec les carnages. Pour mon quartier, on nous a jamais aidé. Y'a même pas un pense que des PD. Monstre trop les dents, j'viens donc PD. Anti-justice, surtout mes CD. Surtout mes CD. Surtout mes CD. Surtout mes CD. Surtout mes CD. Et toute l'équipe de la Liga One. Merci à vous messieurs avant de se quitter. Et avant de faire les dédicaces et avant de retrouver Diffoul, on fait tourner la roulette rapidement. Myriam d'Argenteuil, comment ça va Myriam? Super. Tu arrives dans cette ambiance survoltée avec Jules. Bienvenue Myriam. Coucou Jules, coucou Liga One. Coucou. Ça va Myriam, en pleine forme, prête à faire tourner, on y va? Oui, prête. Allez, dès que tu veux tu dis stop. Et tu vas repartir avec l'album Planet Rap 2014 où on retrouvera Jules en exclu d'ailleurs dessus, la clé USB logotisé Planet Rap qui défonce et place de ciné, loupez pas demain, ça sort demain Babysitting. Franchement, il défonce le film. Allez le voir, j'ai eu la chance de le voir. Merci beaucoup. Et ben toi tu auras deux places pour aller le mater dès que tu reçois les places. Tu pourras mater Babysitting qui sort demain. Merci, merci beaucoup. Bisous Myriam. Bisous. Passe une bonne soirée. Merci Jules. Merci à toute l'équipe. Merci, merci à vous. Merci à Skyrock. Merci à Camille Casoso Madness qui était en freestyle. À DJ Case qui était au platine et toute l'équipe de la Liga One qui était là en back et en freestyle aussi. On pourra retrouver la vidéo d'ici une heure. Raïm, Tegadji, voilà. Doudou, Nassim et sa Felicia, Clément, Sabrina, Elissa. Et une grosse pensée à ma mère aussi que j'aime. Voilà, un gros bisou pour elle. Et merci à vous tous, on va retrouver Dijon. Oui, comment tu te sens avec les Marseillais, Fredo? Bah écoute, beaucoup mieux là, ça va, ils ont quitté 2-3 t-shirts et 2-3 bas de survêt arrogants. Les survêts de Chelsea, on rappelle. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Très bien, demain soir, 20h-21h, plein trap. Flo GP, une grosse merci, un gros merci à Flo GP. Eh ben Flo GP, on le salue. Eh ben on salue Jules aussi. Et ma team Jules aussi, ma team Jules. Eh ben la team Jules. Une team d'autres aussi, Jules. Grosse team. Ça leur a plu. Eh ben on vous donne rendez-vous demain, demain, juste avant 20h. C'est plein trap avec Jules tout au long de la semaine. Jules qui viendra nous rendre visite dans la semaine. On attend Jules. Hein. Bah oui. Jusqu'à vendredi. C'est jour sur. Tu vas passer chez Diffoul. Ouais, je vais passer. On est pas loin, tu sais, on est juste à côté. Au bout du couloir. Oui, il risque pas d'avoir trop d'embouteillage dans le couloir. Quoique, faut faire attention. Oui, c'est vrai, ça arrive. Il y a du monde. Demain 20h, Fred. Demain 20h, Jules. C'est bon, c'est bon. Rendez-vous pour le. Tu dédicaces à Mortadon, on meurt pas. Eh ben, pour dédicace à Mortadon, alors. On n'oublie pas Mortadon. On n'oublie pas les oubliés. Et voilà. Voilà. Et nous, on est parti jusqu'à minuit, là. Radio Libre en direct sur Skyrock. C'est parti avec.